J-Shock, 22h, couvre-feu. Faut que je me lève vite fait ce matin, faut que je m'active. Je pars sur les chapeaux de roue à mon taf de singe. L'intérimaire de l'esclave que je suis se rend au siège. J'attends le train, fixe les guerres qui flippent en me regardant les regarder et se demandant c'est qui style. Et voilà, me voilà, serré dans ce putain de train, dans le wagon réservé aux gens de couleur comme des chiens. Je sors du métro, premier contrôle, on me foule. Vaut mieux jouer le rôle, c'est la tôle. Si tu fais des embrouilles, un simple regard insistant, une réaction trop longue, peuvent mettre un basané à l'ombre si c'est pas dans la tombe. Vérification du code barre sur mon crâne. Examen de la rétine des empreintes digitales. L'ordre du jour c'est nettoyer les rues. Les castes inférieures que nous sommes sont mises à part. L'union fait la force dans tous les cas. L'union fait la force réunie pour le même combat. L'union fait la force dans tous les cas. L'union fait la force réunie. Je passe mon temps à être contrôlé, montrer du doigt sans pouvoir rebeller. Si je fais le con, c'est ma mère qui aura le manque à combler. Là où je bosse, ils m'insultent et me crachent dessus. Foudrage, il faudrait mettre une équipe pour leur botte le cul. Ces enculés passent leur temps à salir. Ils savent que des nègres à minuit viendront t'embellir. C'est le délire, depuis qu'ils sont au pouvoir, la France n'est plus qu'elle était. Certains sont fiers de voir d'autres en panique, des femmes y pleurer. Ça, c'est bien vrai, la France est vraiment plus que c'était. Et quand je pense qu'avant, y'avait pas besoin de se cacher. Stop les larmes, place au combat. Il est temps de lutter, buter, c'est férié. Faut qu'on se bouge le huc, prendre le mac, y montrer les crocs. Moi j'ai mon équipe. Tiens, une équipe et alors, c'est pas le tout d'avoir. Faut prouver qu'ils sont prêts à lutter contre le borgne au pouvoir. T'inquiète. C'est des mecs dévoués, prêts même à le rendre aveugle. Nous sommes peu peut-être, mais chez nous y a pas de grande gueule. Ok, il est grand temps d'organiser l'évasion. Que la résistance remplisse son rôle à fond. Attends, chut. Vas-y, viens, va. Vas-y, viens. Ok, cours. Course, poursuite. Putain, j'suis de spi, mat à droite, scrute à gauche, si jamais on nous suit. Franco, j'm'en balais, c'est nos courses, un parrain sur le car, on va les laisser. Trop d'années qu'on supporte, c'est qu'on s'en branchait. Si j'fais plus la fête, c'est qu'ils ont gagné. Ibrahim Ali n'est pas le seul enterré. Bon, c'est le moment. Contactez Sauce à Marseille, les 101 dalmatiens, dis-leur de venir séant. J'crois qu'on en a besoin. J'appelle Mars et ça repart. Le rendez-vous est à 5h à Vitrolles avec tous tes gaillards. Bon, les gars, code table rase. On efface la ville, pire que la nuit de cristal, on nique tout. On brûle tout le monde, tout on frappe. Putain. Mais l'ascar, on l'arrache, pire que les puits, casse tout. Les néons se brisent, les vitres éclatent, ça pète de partout. L'objectif est de trouver le paix pour le piner. S'il fait le con, l'enfance, t'enculé. Allez, tiens-le. Tiens-le bien, putain. Fais pas ta langue de bois, on la transforme en copeaux. Tu fais la zouze maintenant, on va se venger, t'as pas de peau. L'union fait la force dans tous les cas. L'union fait la force. C'est un hommage à monsieur Ibrahim Ali. À tous ceux qui dans le monde à cause du racisme ont perdu la vie. Je m'allie au chagrin des familles pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Sachons dire non et renforçons le combat. Nique la hala.